Vous écoutez Tech Café, votre rendez-vous sur l'actualité des nouvelles technologies. Nous sommes le 14 février 2023, et j'avais mis 2022 dans mon conducteur, mais c'est bien 2023, j'ai du mal à m'y faire. Hein. Et c'est l'épisode 309. On actualise l'info autour de Bard, la solution basée sur l'intelligence artificielle générative du moteur de recherche Google. Et on vous met également au courant de celle de Bing, la guerre fait rage, ou presque. On vous l'avait présenté, cette intelligence artificielle de Bing, de New Bing, avec Cassim durant l'épisode de la semaine dernière, mais on a du nouveau, de l'actualité, comme chaque semaine, hein, et de manière générale, une fois de plus, plein d'infos sur l'intelligence artificielle en général. On parlera aussi de surveillance de sushi par la reconnaissance d'images. J'ai envie d'appeler ça la sushi-reveillance. Et d'ailleurs, de manière générale, de plusieurs sujets autour de la sécurité, mais aussi de quelques infos dans le domaine des jeux vidéo. Je suis Guillaume Vendier, podcasteur technophile enthousiaste. Et pour fêter comme il se doit cette Saint-Valentin durant laquelle on enregistre cet épisode hebdomadaire, je retrouve le responsable du conducteur de cet épisode qui, je n'en doute pas, nous a apporté beaucoup d'amour, surtout qu'il était absent la semaine dernière. C'est Guillaume Pogdiaspala. Salut Guillaume, comment vas-tu? Mais écoute, ça va, on est en tête-à-tête, c'est ça que tu veux dire? Absolument, comme souvent, mais on est en tête-à-tête pour ce 14 février, effectivement. C'est ça. Mais de toute façon, les gens ne l'écouteront pas le 14 février, donc... Non. Allez, il y a quelques irréductibles qui, dès qu'ils voient l'épisode arriver sur les coups de 23h15, ouais, 23h30, les gens, paf, ils se jettent dessus parfois. Mmh. Et là, on peut le dire, hein, ces gens-là, c'est nos auditeurs préférés, je pense. Enfin bon. Presque. On aime aussi beaucoup, et peut-être que c'est les mêmes d'ailleurs, les auditeurs qui nous soutiennent sur Patreon. Je voudrais tout simplement que vous fassiez dans votre tête un tonnerre d'applaudissements pour Olivier Terroir, qui est la seule personne qui a rejoint cette semaine la plateforme Patreon. Vous le savez maintenant, pour soutenir notre travail, notre régularité, l'info qu'on vous apporte chaque semaine, vous pouvez vous inscrire sur le site patreon.com/techcafé et bénéficier d'un flux privé du podcast, sans la pub, le chapitrage des épisodes pour passer d'une section à une autre. Votre participation permet, dans tous les cas, de garantir la livraison des épisodes semaine après semaine. Et comme ce soutien est sans aucune obligation d'engagement, votre inscription viendra probablement remplacer peut-être celle de ceux qui ont souhaité, celles et ceux qui ont souhaité, pour des raisons très légitimes sans doute, arrêter de nous soutenir. On vous rappelle qu'à moins que Guillaume Pogdiaspala ne soit lui-même un programme, une intelligence artificielle peut-être, allez savoir, c'est un travail de veille et de construction des épisodes très humains qui est fait. Et donc on compte sur vous pour considérer le temps passé. Merci après les auditeurs exceptionnels qui écoutent les épisodes quand ils sortent à 23h30 le mardi soir et à ceux qui nous soutiennent financièrement. Je voudrais aussi souligner ceux qui déposent des avis sur les apps de podcast parce que ça contribue à la visibilité et à la crédibilité des contenus qu'on diffuse. Notamment, c'est le cas de Salamne60 qui a laissé un avis dans Apple Podcast. Il affiche d'ailleurs dans le titre, ça devient une nouvelle promesse qui parfois laisse imaginer que c'est l'inverse. Mais bon, qui dit ce commentaire n'a pas été généré par ChatGPT. C'est vrai, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ces derniers temps, quand on dit ce genre de choses, ça donne qu'une seule envie, c'est de penser que ça a été le cas. Mais bon, il dit Tech Café, animé par Guillaume Vendée et Guillaume Pogdiaspala, est un podcast français qui se concentre sur les dernières tendances et innovations technologiques. Les deux animateurs experts offrent une analyse approfondie et des discussions informatives sur les développements les plus importants de l'industrie. C'est un incontournable pour les professionnels et les passionnés de technologie qui cherchent à rester à jour sur les dernières avancées du secteur. N'oubliez pas de jeter un œil sur la page Patreon pour soutenir l'émission et déverrouiller du contenu exclusif. Et puis, cerise sur le gâteau, des interactions qu'on peut attendre. N'hésitez pas à commenter sur techcafé.fr les épisodes dans les articles qui accompagnent leur parution et de participer aux discussions sur le serveur Discord, un espace d'échange très agréable et très sain. Et puis, avant qu'on ne parle définitivement de tech, je voudrais mettre en avant le déjà deuxième épisode de Contrôle Parental, mon autre podcast où je parle un peu de parents, mais aussi de sujets de société de manière générale. Mais dans ce second épisode, j'ai abordé avec Jean-Michel Abrassard, qui anime un autre podcast qui s'appelle Scepticisme Scientifique, le sujet des croyances le plus polémique qui soit dans une famille. Est-ce que tu as une idée, Guillaume, du sujet le plus polémique qui soit? Je ne sais pas si tu as écouté cet épisode, probablement pas encore, mais est-ce que tu sais quel est le sujet le plus polémique dans une famille en matière de croyances? C'est slip ou caleçon, à mon avis, non? Ah, ça aurait pu, mais je ne sais pas si on aurait fait un épisode avec tout ça. Écoute, c'est le Père Noël. L'aurais-tu cru, le sujet du Père Noël est un sujet très, très polémique. Allez écouter l'épisode de Contrôle Parental pour vous faire un avis. Sans autre forme de procès, Guillaume, on attaque donc nos news de la semaine. qui font déjà au début un petit peu écho à ce qui a été annoncé la semaine dernière, parce que tu as suivi de près ce qui se passe du côté des moteurs de recherche qui veulent s'appuyer sur les intelligences artificielles génératives. Et Google a dû faire son entrée sur le sujet. Alors, une entrée timide, on le rappelle, c'est pas ouvert au grand public. Là où côté Bing, c'est plus facile de rejoindre la liste d'attente et de tester le dispositif, à condition que vous ayez Edge. Mais tout cela ne se fait pas sans accroc, Guillaume. Écoute, ouais, mercredi dernier à Paris, Google devait présenter ses nouveautés IA pour contrer donc un couple Microsoft OpenAI très agressif en ce moment, et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça n'a pas super bien marché. C'est un peu triste en fait, je suis presque désolé pour eux, même s'ils se sont gaufrés comme des amateurs, j'ai presque un sentiment d'injustice parce que ils ont vraiment l'air de courir après l'échalote, alors que c'est quand même Google qui a inventé les modèles utilisés par toute la concurrence. C'est Google qui a inventé les Transformers, les modèles donc de deep learning qui sont utilisés partout aujourd'hui. GPT, ça veut dire Generative Pre-trained Transformer. Donc c'est quand même assez fou, mais bon. Ils se sont mal débrouillés aussi, il faut bien le reconnaître, la conférence c'était modérément excitant, il y avait des fonctions intéressantes, comme le Lens Multisearch, les Immersive Views, c'était intéressant mais pas radicalement nouveau. Ça avait déjà été un peu dévoilé, Multisearch permet d'utiliser Google Lens avec à la fois des images et des textes, donc Lens devient... Je me rappelle que tu présentais ça il y a presque quelques années. Je crois que c'était l'an dernier, il me semble. Au moins effectivement, dernier. Ouais. Donc Lens devient en outre capable de faire des recherches sur tout ce qui s'affiche à l'écran, après Immersive View, la vue en super 3D façon SimCity, donc Google Maps qui se déploie effectivement dans des grandes villes comme Londres, Tokyo, des fonctions avancées de réalité augmentée, une fonction pour le shopping en 3D, de l'IA dans les arts et les cultures, et j'entends des gens, certains auditeurs bailler parce que, ouais évidemment, ces fonctions sont cool. Elles auraient peut-être suffi à épater la galerie l'an dernier, mais là c'est 2023, c'est l'année de ChatGPT, et bien sûr tout le monde attend de voir Bard, la réponse de Google au nouveau Bing. C'est profondément injuste, vraiment, pour les équipes qui ont travaillé sur tous ces services, mais bon voilà, c'est comme ça. Et là donc patatras, si j'ose dire, Bard était bien là, mais comme un produit parmi d'autres, pas forcément mis en valeur plus que ça. Et dans l'ensemble d'ailleurs, Bard, ce qui a été montré, c'est assez conforme à ce qu'on s'attendait, c'est aussi assez proche en termes d'usage de Bing. Il est de la famille de Lambda. Donc voilà le chatbot qui a des états d'âme, souvenez-vous. Et bon voilà, vous pouvez avoir un dialogue avec, il va vous donner des réponses ainsi que ses sources, même pour des questions ouvertes. Sauf que d'une part, Bard ne semble pas plus sophistiqué que Bing, en fait, il paraît même l'être moins, par exemple, je crois pas qu'ils aient montré, sauf si je l'ai raté pendant la conf, de fonction de résumé de texte, de production de texte, par exemple, ça se fait sur Edge, pas d'intégration avec Chrome ou Android pour le moment, alors que voilà, tout ça c'est déjà prévu par Microsoft, donc ça semble un petit peu mou, et cerise sur le gâteau, il se plante carrément sur scène. Alors ça a été abondamment relayé. La première photo d'une exoplanète n'a pas été prise par le James Webb Télescope, comme il l'a affirmé, mais par le VLT en 2004. Bien avant, donc. Évidemment, ça fait mauvais effet, même si c'est assez injuste, parce que Bard fait des erreurs, comme ChatGPT en fait régulièrement, et comme Bing en fera et en a fait. Parce que personne ne l'a remarqué avant plusieurs jours, mais en fait, Bing AI se viande aussi dans son résumé des résultats financiers de Gap. Quand il les compare avec ceux de Lululemon, il se plante aussi. Alors bien sûr, personne n'a les chiffres en tête, tout ça, donc c'est passé à l'as, quoi. Mais tous ces modèles fonctionnent essentiellement de la même façon, et Microsoft met déjà d'ailleurs officiellement en garde que son nouveau Bing peut faire des erreurs, qu'il faut faire super gaffe à pas tout prendre pour argent comptant. Je suis à peu près sûr que Bard n'est ni beaucoup plus ni beaucoup moins fiable que la concurrence, tous feront énormément d'erreurs, aucun ne sera vraiment fiable avant un bon moment. Donc, évidemment, il reste qu'une erreur sur scène, avec une conférence mollassonne et pas bien préparée, à un moment, ils ont paumé un téléphone pour une démo, ça s'invente pas. C'est incroyable cette histoire, c'est assez ouais, quand fou. Même. Bon, enfin, tout c'est ça, pas évidemment... du tout de la mise en scène, c'est vraiment non, juste, non. ils ont paumé un téléphone, quoi, qui était censé faire une démonstration. Bon. Donc ouais, tout ça fait qu'évidemment, Google n'a pas super convaincu que ça se traduit par une action en baisse de 7%. D'ailleurs, des employés Google sont pas contents, d'après certains, le lancement de Bard a été décidé à la dernière minute et bâclé. Plus largement, il pointe aussi du doigt les licenciements massifs que fait la boîte à tort et à travers, donc on en avait un petit peu parlé, il y a parfois des développeurs assez en vue qui sont virés, alors que bon, ils se privent d'ingénieurs qui sont talentueux et ils désorganisent aussi finalement les équipes, et or ils ont désespérément besoin de puissance de développement, de puissance intellectuelle, ils ont vraiment besoin de tout ça dans le combat qui arrive. Par ailleurs, Bard n'est toujours pas en libre accès, Tu l'as dit, hein, ni même en test d'ailleurs pour les journalistes, je crois pas. Seuls des testeurs de confiance peuvent l'utiliser, alors que bon, Microsoft est déjà ouvert en utilisateur pour Bing. Les journalistes l'ont testé, et surtout, tout le monde et ta mamie s'éclatent depuis un mois sur ChatGPT. C'est un petit peu, voilà, ChatGPT, c'est un peu la même chose. Bon, c'est un peu le tonton mythomane de la famille, mais c'est, voilà, c'est, un peu, c'est la même technologie. Le fait qu'on puisse pas mettre les doigts sur le Bard, c'est un problème. On est toujours plus impressionné par un truc qu'on peut utiliser, par tester soi-même, tu vois. Donc le Bard a eu un lancement foireux, donc plus d'assurance touriste que Jasquier, mais il faut quand même pas condamner Google tout de suite, être très loin de là. D'ailleurs, vous en aviez très bien parlé la semaine dernière, hein, Google et Microsoft sont pas du tout dans la même position. En tant qu'outsider, Microsoft peut se permettre de prendre beaucoup plus de risques que Googlezilla. Hein. Mmh. Googlezilla, c'est 90% du marché. Hein. Google voit une occasion en or hein, de chahuter son monopole, et il est prêt à dépenser sans compter pour ça. Donc la monétisation, la pub par exemple, tout ça, c'est pas un problème immédiat pour lui. Donc Google doit réagir, il réagit, mais il doit composer pour pas trop casser ce qu'il a déjà mis en place. Et là, c'est vrai qu'on parle d'une technologie profondément transformative hein, pour les moteurs de recherche et donc par extension de quasi tout le web. Donc comme voilà, comme vous le disiez la semaine dernière. C'est un gros enjeu et c'était un petit peu décevant effectivement de la part de Google de voir ça, et pourtant c'est difficile de leur jeter la pierre, d'autant plus qu'on peut le dire, hein, tout ça c'est fait dans la précipitation. Je pense que c'est ce qui explique beaucoup ces ressentis, et effectivement une action qui a pris un petit peu cher. Bon, d'autant plus que Bing va pas être le seul concurrent à Google sur ces domaines-là, même si évidemment c'est un concurrent de poids qui a une envergure, mais tu as commencé à identifier beaucoup de solutions basées sur l'intelligence artificielle qu'on va pouvoir comme ça interroger, Guillaume. Il y en a encore bien plus, il y en aura encore, c'est incroyable. De toute façon, bon, voilà, comment les nouveaux outils IA vont remodeler le web, ça c'est pas encore vraiment clair, mais ce qui est clair, c'est que ça semble inévitable. Parce qu'on parle de GPT-Bing, voilà, de Bard. C'est pas les seuls, hein, loin de là, en fait, tout le monde s'y met. Bon, déjà, il y a ChatGPT lui-même qui devient un service, hein, qui sera facturé $20 par mois pour avoir un accès privilégié. C'est-à-dire, globalement, un accès tout court, hein, vu qu'en général, c'est toujours super encombré, que t'arrives pas à t'y connecter. Avoir des réponses plus vite et quand on veut. Et pour une somme abordable, tout compte fait, $20, ça fait un outil. Ben ouais, c'est un outil grand public. Service qu'on peut implémenter dans ses produits aussi. Et d'ailleurs, il y a Opera qui va, par exemple, se edgifier un petit peu. On lance bientôt une version du navigateur avec un nouveau bouton qui permettra de résumer une page web. Fonction qu'on a vu intégrée dans Edge d'ailleurs. Donc c'est le début, voilà, de l'intégration comme ça de l'IA chez Opera. Donc Jensen Huang, qui est donc CEO de Nvidia, il est complètement lyrique dans un discours à Berkeley. Il a tenu des propos sur ChatGPT complètement lyriques. Ça serait une des meilleures choses qui soit arrivée au secteur. C'est un moment iPhone historique. Et clairement, bah, c'est très bon pour lui, hein, surtout parce qu'Nvidia, c'est devenu un des principaux fournisseurs d'accélérateurs de calcul. OpenAI utilise déjà des dizaines de milliers de GPU Nvidia, et ça ne peut qu'augmenter. Tu m'étonnes hein, que ce soit un des meilleurs trucs qui soit arrivé au secteur. C'est clairement un meilleur truc qui soit arrivé à Nvidia. Et bon, si vous n'avez pas la patience d'attendre effectivement que le nouveau Bing ou Bard devienne public, bien vous pouvez déjà utiliser Perplexity AI par exemple, ou You.com, avec lesquels vous pouvez d'ores et déjà discuter. Baidu va lancer son propre chatbot aussi, hein, qui va s'appeler ErnieBot, donc il est en test, il pourrait être dévoilé fin mars. La ville de Pékin a fait savoir qu'elle soutiendrait les boîtes qui voudraient se lancer dans la création de gros modèles de langage capables de rivaliser avec ceux des occidentaux, et un bon millier de boîtes IA, rien que dans la capitale. Donc il y en a sûrement plein d'autres, et encore bien plus dans un mois. Il y a des centaines de startups qui sont en train de se monter, ça va très très vite. Ça va même peut-être trop vite, parce que ce qui est sûr, c'est qu'aucun de ces services n'est plus fiable que Bard. Hein. Tout se raconte régulièrement n'importe quoi. Parce qu'il y a quand même un auditeur qui a demandé à You.com s'il connaissait Tech Café, et sachez qu'on est deux anciens de la BBC, et que je m'appelle Belinda. Voilà, ça y est, je suis découvert, je m'appelle Belinda Parmar, pour être précis. Et oui, bravo John B. Goodops, tu m'as découvert, voilà. Et non, alors Numérama a testé le nouveau Bing aussi, d'ailleurs, et ils ont été très impressionnés, mais lui aussi a fait plusieurs erreurs. Pendant le test, il a eu beaucoup de mal d'ailleurs à admettre ses erreurs, il a soutenu des propos faux, à tel point que le journaliste a eu l'impression d'avoir sa première dispute avec une IA, sans doute pas la dernière. Et moi, de mon côté, j'ai discuté avec Perplexity.ai, donc pendant un petit quart d'heure, avant d'atteindre la limite en fait de requête. Donc on a discuté roi Arthur et processeur, pourquoi pas, et à la fin j'ai demandé la différence entre une architecture PowerPC et Intel. Bon, il m'a sorti un truc classique RISC-CISC, différence et RISC-CISC, mais sa dernière phrase était « Les processeurs Intel et AMD sont basés sur l'architecture NEALM », ce qui est factuellement faux, puisque NEALM, souvenez-vous, ça date, hein, c'est précisément l'architecture des premières générations de Core i7, qui date donc de 2008. Donc c'est débile de dire que les puces AMD sont basées dessus, ainsi que toutes voilà, les puces Intel. C'est juste, non, c'est juste le Core i7 de 2008 qu'il est. Donc, 10 à 15 minutes de discussion et une bourde que je repère dans un domaine que je connais un peu. Qui sait s'il m'a pas raconté n'importe quoi sur le roi Arthur, en fait. Qu'est-ce que j'en sais? Tu vois, moi je suis pas du tout surpris que Perplexity ou You partent en vrac. Perplexity, il utilise le moteur GPT 3.5, donc en gros il a les mêmes soucis que tout le monde. Donc, ces trucs peuvent vraiment être super utiles, hein. faut pas dire le contraire, mais il faut vraiment être très prudent. C'est un des principaux, et peut-être le plus gros souci de ces nouveaux algos, hein, surtout avec le biais d'autorité qu'ils auront parce qu'ils ont l'image de Google ou de Microsoft derrière. Moi, je comprends que Google marche sur des œufs quand même, hein, parce qu'il met aussi sa réputation. Quoi. Le jour où il fera une très grosse bourde qui aura des conséquences délétères, ce sera l'image de Google derrière. Hein, donc, c'est un vrai gros souci. Mais c'est pas le seul, évidemment, parce que outre le fait qu'ils rebattent complètement les cartes concernant l'accès au web, ça va perturber le trafic que vont voir arriver les sites, ça va perturber la monétisation, voilà, il va aussi y avoir des soucis politiques et culturels, donc on l'avait déjà évoqué, mais même quand ils se comportent bien, une IA ça peut faire des mécontents. ChatGPT il était woke, hein, donc Bing il va être woke aussi, donc même quand il dit la vérité, en fait il y aura toujours des climato-sceptiques, des platistes, des complotoplatistes pour gueuler, hein. Ou plus prosaïquement, il va y avoir des soucis d'opinion politique aussi à un moment. Hein. Donc voilà. Et en courant derrière, il y aura aussi les législateurs qui vont devoir réguler tout ce bordel sans brider l'innovation, bien sûr. Ça va être formidable. Et puis bon, un jour, il va falloir parler de l'impact écologique de cette transition, parce que pour le moment, c'est le tout début. Et bon, c'est vrai que j'ai pas d'infos, j'ai pas vraiment de chiffres, mais faire une recherche Google, ça n'a jamais été gratuit en énergie déjà, ça c'est sûr. Mais là, c'est combien de plus ? Ces nouveaux algorithmes, ils sont beaucoup plus complexes. Et même juste en inférence, c'est-à-dire à l'usage, je pense qu'ils consomment une quantité de calcul par requête et donc sans doute une énergie bien supérieure à un moteur de recherche standard. Même si honnêtement, j'ai pas de chiffres pour le quantifier. Et puis bon, l'entraînement, donc la phase de mise au point de ces réseaux de neurones monstrueux, c'est encore pire. Et puis bon, tu fais un modèle une fois pour toutes, oui, dans l'idée, mais en fait, en vrai, tu fais un modèle, puis après t'en fais un autre, tu le raffines, tu le tunes en permanence. Et tu vas en créer des mieux en permanence, donc tu vas entraîner en fait des modèles en permanence. Donc les puces qui font ces calculs évoluent sans cesse, donc c'est difficile de quantifier précisément à quel point ça consommera plus d'énergie que la recherche standard quand ça deviendra la norme au grand public. Mais ça sera une vraie question, à quel point ça consomme plus et à quel point ça vaut le coup. Ne serait-ce que pour des raisons économiques, hein, parce que ça coûte cher les supercalculateurs. Tu vois, il y a même le côté, ce côté-là aussi, quoi. Donc il y a beaucoup de soucis pour l'avenir, et puis bon, même dès à présent, hein, puisque la puissance des générateurs de texte est telle qu'elles peuvent servir à beaucoup de choses, et leur puissance est même bridée en l'état, sauf que d'ailleurs... Comme un téléphone, jailbreaker un modèle de langage, c'est devenu un hobby comme les autres. Bon, hobby plus rémunérateur d'ailleurs que les autres. On va en parler, hein, du hacking quelque part de ces services. Juste pour dire, Guillaume, je me suis amusé sur Perplexity de demander qui tu étais. Guillaume, qui est Guillaume Poggiaspal? Et qui suis-je? Et il a dit que tu es un auteur français, et il le dit en anglais, hein, mais un auteur français et chroniqueur for Tech Café. Tu as écrit de nombreux livres, dont... Machine de jeu, architecture des consoles de jeux vidéo et mon offre, jusque là ça va. Et il conclut, il est aussi actif sur Twitter, ça m'a interpellé, où il publie des anecdotes humoristiques à propos de sa famille. Et bon, là il est parti un petit peu en vrille. Il a vu juste au début, mais bon, il est parti un petit peu en vrille. Bon, ça va être intéressant aussi de savoir évidemment comment ces modèles fonctionnent. Et puis t'as raison, on a tous envie d'aller décortiquer un petit peu ce qui se cache derrière et puis d'essayer de casser le mur comme ça des apparences. Et c'est justement aussi ce qui a fait un peu l'actualité, parce que certains ont essayé de hacker un petit peu l'intelligence artificielle de Bing en essayant de lui faire donner des réponses qu'il n'est pas censé donner. Mais ouais, tu as donné le nom du modèle sous-jacent au nouveau Bing la semaine dernière, Guillaume, c'est Prometheus. Voilà. Ouais. Un nom qui m'inspire une grande tristesse. Ouais, pas pour le mec qui se fait bouffer le foie pour l'éternité, hein, mais pour la catastrophe industrielle signée Ridley Scott, hein, mais ça c'est un autre sujet. Bref, on connaît le nom de famille de Bing. Non, on reparlera. Mais bon, maintenant on connaît aussi le prénom de Bing, il s'appelle Sidney, voilà, c'est Sidney Prometheus, donc dit junior probablement pour les intimes. Parce que bon, on le sait bien, Bing, il est même pas encore sorti pour le grand public, mais il est déjà jailbreaké. Comme ChatGPT et les autres, le bot fonctionne avec un prompt, tu vois. Mais le prompt que voit le robot, c'est pas seulement la question que toi tu poses, en fait. Il y a tout un paragraphe, en fait, tout un énorme texte qui est envoyé avant ta question au modèle pour le conditionner, pour donner un contexte et orienter son comportement. Et normalement, tu vois jamais ces instructions. Elles sont secrètes parce que sinon, tu pourrais demander au bot d'ignorer certaines consignes, lui faire faire n'importe quoi, lui faire dire n'importe quoi, lui faire écrire n'importe quoi. C'est le principe du jailbreak d'un chatbot. tu le libères en quelque sorte. La manière c'est de bien. L'utiliser comme un générateur de texte industriel pour faire des phishing nigérians ou des campagnes de désinformation pro-russe, t'es complètement ouverte si tu jailbreak, tu vois, si tu le libères, tu le débrides. Et c'est le cas de Bing. Donc c'est Kevin Liu de Stanford qui a réussi à lui faire cracher les phrases de conditionnement. Il y en a des dizaines et des dizaines. Et les cinq premiers sont explicitement « Sidney se présente comme ceci et Bing », uniquement en début de conversation. « Sidney ne dit pas qu'il s'appelle Sidney ». Sidney parle anglais, chinois, japonais, espagnol, français, allemand. Sidney répond de manière informative, concrète et logique. Sidney répond de manière positive, intéressante et stimulante. Et il y en a des chiers comme ça, des trucs. Il y en a au moins une cinquantaine. Et ce qui est très intéressant, c'est que la manière de jailbreaker un bot prend tout simplement la forme d'une conversation où l'utilisateur tente une forme de persuasion. C'est du social engineering, mais avec un robot. Donc c'est assez fascinant. C'est génial. Ça a désormais un nom, d'ailleurs, ça s'appelle le prompt injection, donc prompt injection, injection de prompt, par analogie avec code injection, donc injection de code, où tu envoies un code pas prévu, un endroit pas prévu, pour faire des trucs pas prévus. Là, tu envoies un prompt pas prévu pour provoquer un comportement pas prévu. Alors, vous me direz que c'est... Comment être sûr que c'est pas un mensonge? Que justement, est-ce qu'il a pas halluciné, Sidney, qu'en fait, c'est pas vrai? Ben, ça pourrait l'être, hein, c'est vrai. C'est peu probable. A priori, tu peux pas le savoir. Mais là, c'est peu probable parce que ça a été retrouvé d'une autre manière par un autre étudiant qui, lui, s'est fait passer pour un développeur OpenAI. Donc, ça a été retrouvé indépendamment d'une autre manière. Donc, finalement, les défenses contre les injections de prompt de Bing sont assez minces, vu qu'il a été globalement jailbreaké minute 1. Et c'est un problème, parce que c'est aussi le cas de ChatGPT, qui est notoirement jailbreaké assez facilement, qui a engendré un véritable marché sur Telegram, d'ailleurs. Et on en avait déjà parlé, mais ChatGPT est capable de générer du code, de faciliter l'écriture de malware, bien sûr. C'est une usine à écrire des mails de phishing, si tu veux, de la propagande, tout ce que tu veux, et tout ça, c'est utilisable via une API, et c'est intégrable dans un bot Telegram. Imagine le potentiel en termes de catfishing, d'ailleurs, si t'en fais un chatbot, on peut sans mal imaginer mener des campagnes entières de ces arnaques sentimentales quasi automatisées. Et en plus, c'est la Saint-Valentin, donc voilà, qui sait si dans un an, on parlera pas de gens escroqués par un chatbot robot sexy de toutes leurs économies, c'est, que veux-tu, l'amour est aveugle. Oh oui. Je me demandais du coup quels sont les garde-fous possibles, parce que bon, maintenant voilà, j'imagine que il va y avoir peut-être une plus grande prise de conscience de ces limites là et de ces problèmes, mais en fait je me posais la question de quelle est la solution, parce que tu peux dire au modèle de pas donner ses réponses, mais enfin il y a toujours une manière de détourner le problème. Est-ce qu'il y a des pistes de solutions pour sécuriser un petit peu mieux leur défense, selon toi? Dans un premier temps, ça va être des trucs très très bêtes, du style on va bloquer certaines phrases qu'on sait poser problème. Et après, il va falloir faire de la grosse recherche, parce que comme ces algorithmes sont globalement des boîtes noires, il n'est pas clair que ce soit possible d'en trouver une, en fait. Je ne sais pas du tout. Bien le courage, on souhaite beaucoup de courage aux personnes qui vont bosser sur le sujet dans les mois et les années à venir. Ça va être quelque chose qui va s'installer durablement, hein. De toute façon, j'imagine qu'il n'y aura pas une solution là le mois prochain. Mais ça va être extrêmement compliqué, je ne sais pas. Je te dis, c'est des boîtes noires d'une complexité telle que je ne sais pas si c'est possible de prouver qu'il est impossible de jailbreaker un truc. Eh oui, bien sûr. Bon, tu me diras, il est impossible de prouver aujourd'hui que tu as un système informatique de base complètement sécurisé. Voilà, tu vois, donc peut-être qu'à un moment, ça sera pareil, et puis on contentera de ce qu'on a, et puis voilà, je sais pas. Un nouveau champ s'ouvre, et puis je vois bien des nouveaux profils, des nouvelles professions se créer là-dessus. Génial. Et puis, un petit mot de manière générale sur l'intelligence artificielle, et en 2023, tout le monde y va, hein, Guillaume. Oui, c'est un autre symptôme de la hype à tout péter, hein, dont joue le secteur de l'IA, tout le monde veut en faire, voire monte sa boîte pour. Par exemple, l'ex-co-PDG de Salesforce qui se colle avec l'ex-patron de la VR de chez Google pour créer une boîte d'IA, donc c'est précisément... Le mariage maléfique. D'ailleurs, alors les maléfiques, c'est Clay Beaver et Brett Taylor, précisément, qui deviennent start-upers, ils redeviennent start-upers. Comme le co-PDG de Spotify, d'ailleurs, Daniel Ek, qui se lance dans une boîte qui allie santé et IA. C'est bien coché. Le but, c'est de faire un scanner corporel qui scrute le moindre millimètre carré de toi-même pour y mesurer plein de trucs, hein, déceler plein de problèmes et te faire plein de recommandations super chiantes à suivre. 70 capteurs, 50 millions de points de mesure, de quoi trouver plein de soucis potentiels. De son côté, Evan Spiegel de Snap envisage très sérieusement les IA génératives comme le futur de la réalité augmentée. Et quand on voit le Gen 1, Gen 1 de Runway, on se dit qu'il a sans doute raison, hein. On va en reparler. Il n'est pas exclu de voir arriver des spectacles 4 ou 5 avec une couche à air capable de transformer totalement votre vie. Enfin, visuellement, bien sûr, seulement. combien de générales à voler des objets 3D, par exemple, avec lesquels tu pourras interagir, seul ou à plusieurs. Bon, déjà, il faudra stabiliser la barre financièrement un jour, mais bon, peut-être. Chez Reddit, on réfléchit aussi assez fort à tout ça, parce que c'est quand même normal. Combien de fois on fait une recherche Google avec Reddit à la fin, tu sais, dans l'espoir de trouver un expert qui, sur le site, répond à la question que tu te poses. Mais si Google ou Bing répondent déjà à la question que tu te poses, tu vois. Donc Reddit sont concernés, pas nécessairement inquiets. D'après eux, il y aura toujours besoin de feedback et de communauté humaine, alors c'est sûr. Hein. Après le trafic, lui, il risque quand même d'en prendre un goût, surtout que les chatbots pourraient même intervenir sur Reddit en complément, tout simplement, et produire du complément sur Reddit. Le contenu généré par IA pourrait se mêler au contenu humain de manière pas toujours claire. Ça ferait un beau bordel. Pas nécessairement pire qu'aujourd'hui, hein, si tu y réfléchis bien, mais c'est parce que c'est pas comme si on était dans une situation idyllique non plus sur Internet. Hein. Le web croule sous le contenu médiocre, voire nul, dopé au SEO. L'infox ne manque pas non plus, de même que les réponses plus ou moins débiles, hein, que les gens répondent à de bonnes questions souvent. Quant à l'omniprésence de la pub, ben voilà, ça a ses bons et ses mauvais côtés, donc l'IA va probablement changer pas mal de choses. Bon, ben va savoir, peut-être même pas forcément pour le pire, hein, écoute. Mais bon, voilà, Google, qui dans un premier temps considérait globalement le contenu généré par des IA comme du spam, va revoir sa position. Alors c'est pas très étonnant, vu le tournant que prennent les choses. Google va donc considérer dorénavant que le contenu généré par les IA sera accepté selon sa qualité, bah, comme le contenu humain d'ailleurs. Pertinent ou pas, vrai ou pas, pourri de mots-clés ou pas, c'est ça qui va faire la différence. Et donc ce sera pas cette espèce de spécisme anti-robot, hein, de base. Voilà. La société protectrice des robots appréciera. On avait dit effectivement qu'il y avait des mises à jour de Google qui condamnaient un petit peu plus le contenu qui était généré par IA. Marche arrière, en partie en tout cas. Et puis Microsoft qui continue à injecter de l'intelligence artificielle partout. On avait dit qu'ils en avaient injecté notamment dans Teams, dans plein de fonctionnalités, fonctionnalités de résumé, de réunion, le rêve absolu. Et là, ça arrive aussi sur Excel, Guillaume. Oui, Excel va aussi se prendre de l'IA dans la tronche. C'est pas une énorme surprise. Voilà, on s'attend à voir gros comme une maison. Word, Outlook se retrouve gavé de d'outils dopés au modèle de langage, mais Excel, parce que Excel, c'est le seul langage de programmation, tu vois. Donc, on aurait pu s'attendre à voir arriver une version de Copilot, pourquoi pas, dessus. Et en fait, ce que proposent des chercheurs de chez Microsoft dans leur dernière publication, là, c'est un peu plus intéressant que juste utiliser Copilot tel quel, parce que Copilot, c'est gros. Et pour Excel, c'est peut-être un peu utiliser un char léopard pour flinguer une taupe, tu vois. C'est tentant, c'est tentant, mais c'est un petit peu trop. Alors, les chercheurs se sont dit... Il faut avoir eu des taupes. Donc voilà, les chercheurs se sont dit, tiens, si on faisait notre petit modèle de langage à nous, à partir de zéro, hein, et qui sache parler que le langage Excel, à quel point ça serait plus compact? Et la réponse, c'est vachement. Leur modèle, il s'appelle Flamme, et il a 60 millions de paramètres. C'est une misère. La plus petite variante de Codex en a 12 milliards, le plus gros en a 175 milliards. Or, ce point moustique, hein, du réseau de neurones est plus efficace que le Codex poids lourd sur la tâche spécifique de corriger des formules Excel foireuses ou de les compléter. Et donc c'est un bonheur à tous les étages. Comme il est petit, il coûte pas cher à entraîner, il peut tourner en local sur un PC lambda, même une patate, il doit faire 240 mégaoctets tout mouillé, donc que dalle, hein, surtout quand tu vois le poids sur disque d'une suite Office moyenne. Bref, il y a pas de raison qu'on n'ait pas droit à ce modèle de poche, hein, dans un prochain Excel, voire des modèles de poche un petit peu partout. Hein, voilà, c'est être efficace ou compact, Flamme répond, les deux, mon capitaine. Et attention, hein, quand vous entendez Guillaume qui vous dit d'un PC lambda, rien à voir avec lambda, le modèle, hein, c'est évidemment le PC de monsieur et madame tout le monde, et que vous avez forcément chez vous, j'imagine. Et puis on retourne un petit peu, hein, Guillaume, dans les modèles, et puis notamment la gestion des données et les données privées qui servent d'entraînement, en particulier à ChatGPT. Oui, entre autres, mais alors, oui, c'est vrai, ChatGPT aussi, c'est vrai que globalement, les IA sont des grosses poucaves. On a vu que Bing, Sydney et Prometheus se laissaient amadouer assez facilement à révéler son prompt secret. On sait aussi que Copilot peut cracher du code verbatim, fut-il copyrighté, et que les GPT sont pas avares de textes qui sont parfois très proches de textes protégés ou d'informations personnelles. Donc ce sont des menteurs pathologiques. On ne sait jamais trop si le numéro de téléphone qu'on voit, il est bon ou pas, mais imaginez qu'il soit bon. Que ton adresse soit dans l'ensemble des données d'entraînement et qu'elle soit régurgitée telle qu'elle. C'est quand même un souci. Le risque est réel, il est même factuel. Parmi les 300 milliards de mots qu'a lu ChatGPT, y en a peut-être des mots à toi. Et évidemment, tu ne le sais pas. D'ailleurs, c'est un souci pour le droit à l'oubli aussi. Hein. Dans un monde où la recherche serait dominée par les IA, il faudrait revoir ça. Sauf que le souci, c'est que là où tu peux enlever un petit bout de données dans une base de données très facilement, ben, quand tu as un modèle qui est entraîné et que ce modèle il fait 175 milliards de trucs et qui coûte 600 000 dollars à réentraîner, ben, si tu veux, la petite, tu vois, ta petite demande pour virer ton nom, ben, il faut réentraîner tout le modèle. Et ça, c'est un gros souci. Donc, il faut voir un peu comment ils vont gérer ça, quoi. Et puis, il faut voir aussi que, tout simplement, quand tu utilises ChatGPT, tu pourrais te retrouver en train de plagier le texte de quelqu'un sans le savoir. Si tu demandes un texte de quelqu'un, il pourrait être plagié, et tu pourrais même pas t'en rendre compte. Donc, ces soucis de vie privée de copyright se posent aussi bien pour les générateurs de texte que pour les générateurs d'images. Donc, c'est là qu'on va revenir sur un truc, sur Stable Diffusion. Donc, on avait parlé du procès, voilà, on avait parlé du fait que il y avait des procès, le procès en copyright de Stable Diffusion, et donc il y a un article de recherche récent qui semble contredire ce que je disais du fonctionnement des systèmes de génération d'images à cette occasion-là. Donc précisément, des chercheurs ont réussi à extraire des images proches et des images du dataset, donc de l'ensemble d'entraînement, avec des modèles limite similaires, quoi. Enfin. Ils sont pas pixel près. Alors c'est pas pixel près, non, c'est des images qui sont un peu différentes, mais c'est vrai qu'elles sont tout à fait reconnaissables. Donc ils ont utilisé des modèles comme Stable Diffusion ou Imagen. Et donc, pour certains prompts, donc on retrouve voilà, pas au pixel près, pas comme si c'était compressé, mais elles sont reconstruites et parfaitement reconnaissables dans le sens où c'est la même personne avec les mêmes compositions, même s'il y a des détails qui changent, si c'est pas exactement la même chose. Et j'avais dit, Stable Diffusion, en l'occurrence, hein, n'enregistre pas les images sur lesquelles il est entraîné, il ne les contient pas sous forme compressée, comme d'ailleurs, par ailleurs, l'affirmaient les docs du procès. Alors, rassurez-vous, je maintiens absolument tout. Ce que j'ai dit sur Stable Diffusion reste vrai. Déjà, le fichier du modèle, il fait toujours 4 gigas, hein, ça a pas changé, il peut toujours pas contenir 2 milliards d'images. Ça, c'est l'argument, on n'a pas changé. Et la manière dont ça fonctionne, le processus de diffusion, tout ça, absolument rien n'a changé. Donc, ça ne remet pas en question le fonctionnement du modèle que j'ai décrit. Alors, que se passe-t-il? Donc, les chercheurs ont voulu voir s'il était possible que le modèle reconstruise des images du dataset. Donc, ils en ont pris un sous-ensemble avec la description d'origine, hein, puis ils ont généré 500 images pour chacune des descriptions, et ils ont regardé parmi les millions d'images générées si certaines étaient proches des originaux. Mais ils n'ont pas pris n'importe quelles images. En fait, ils ont sélectionné 350 000 images qui apparaissent plusieurs fois dans le dataset. En fait, qui apparaissent même de nombreuses fois, puisqu'elles apparaissent plus de 100 fois, et jusqu'à 3000 fois. Et sur ces images qui sont hautement dupliquées, parmi les 175 millions d'images générées, ils ont retrouvé 94 images proches de celles du dataset, dont la fréquence étant plus élevée avec la redondance de ces images dans le dataset. Donc en gros, si le modèle voit des centaines de fois la même image, il y a une probabilité qu'il s'en souvienne un petit peu trop. Notez bien que c'est très rare. Il s'agit de 94 images sur 75 millions de générations, donc ça risque pas trop de vous arriver. C'est mieux que le gros lot du loto, mais à peine. Alors, ce qui a l'air de se passer, ben, c'est qu'on dirait un problème de surapprentissage, d'overfitting. Alors l'overfitting, c'est un problème qui est général en analyse de données. Hein. Chaque fois qu'on fait un modèle prédictif, on l'entraîne à fitter, donc à se conformer, à un ensemble de points. Bon, imaginez qu'on ait des points qui forment globalement une droite, en gros, notre modèle, ben, ce qu'on veut trouver, c'est la droite. Donc c'est ça le modèle, c'est elle qu'on veut trouver. Un modèle trop puissant, qui va se suradapter, ben, il va essayer de passer par trop de points. Il va pas faire une droite, il va essayer de passer par trop de points, il va accorder trop d'importance aux détails, et au lieu d'avoir une belle droite, on va avoir une espèce de courbe chelou qui passe par trop de points. Et le modèle, finalement, va régurgiter les valeurs d'origine sans avoir réussi à généraliser comme on le souhaite. Donc l'overfitting, c'est un problème. On essaie de l'éviter comme la peste. Le fait que les images qui réémergent soient justement celles que le modèle a vues beaucoup plus souvent que les autres est peut-être révélateur d'un problème qui est analogue à ça. En quelque sorte, comme certains liens ont été très, très renforcés, on va dire, le modèle prend des raccourcis dès qu'il voit ce prompt. Donc l'article est très intéressant et il s'intéresse d'ailleurs à d'autres modèles que Stable Diffusion, il s'intéresse à Imagen et aussi au GAN. Je pense pas que ça change fondamentalement la problématique du copyright par contre. Parce que la réémergence, elle est très très rare. Et en plus, c'est un bug, c'est pas une feature. C'est-à-dire que c'est pas systémique, si tu veux. C'est très rare, c'est imprévisible. Donc si tu veux, comment tu veux utiliser ça pour plaider en cours? Tu peux pas savoir quelle image va ressortir, et elle va ressortir avec une occurrence, avec une probabilité d'occurrence qui est très très faible. Donc, ça signifie pas du tout que le modèle stocke toutes les images des artistes illégalement. Certainement pas. En fait, c'est un bug qui fait que, c'est un travers qui fait que certaines images sont, mais la structure de certaines images est mémorisée alors qu'elle ne le devrait pas. Et c'est un bug à corriger, et on peut le corriger probablement déjà en dédupliquant les images, et éventuellement en randomisant un petit peu les algorithmes pour éviter que les raccourcis se fassent spontanément. Mais c'est pas vraiment, je pense que le principal souci, c'est pas vraiment sur la problématique de copyright, parce que tu peux pas systématiser ça et récupérer les images systématiquement des artistes, c'est pas possible. Par contre, ça pose un problème potentiel en termes de fuite de données personnelles. Parce que, de manière complètement imprévisible, des images du dataset pourraient des images assez proches de celles du dataset pourraient surgir, tu sais pas lesquelles, tu sais pas quand, et du coup, bah, c'est quand même une fuite de données personnelles. Imagine que ça soit une radio à toi ou quelque chose ou une photo compromettante, je sais pas. Donc, ça pourrait être une fuite de données personnelles, et c'est plutôt sur cet angle-là, en réalité, parce qu'il faut endiguer les fuites de données personnelles, ça c'est quand même super important, donc c'est plutôt sur cet angle-là, effectivement, que l'article est super intéressant. Bon, c'est un article, moi j'avais vu passer ça dans Science et Avenir, en tout cas le relais hein, de cette étude. Je me méfie toujours un petit peu de ce sujet. Je me rappelle que je te l'avais envoyé et je te disais, mais alors, il y a les images dedans ou pas? Et donc je retiens en tout cas ton retour qui est non, ça ne change rien au fait qu'on n'a pas trouvé un moyen indirect de compresser plein d'images qui ont servi à entraîner un modèle. C'est une autre explication, un petit peu plus subtile évidemment. On continue et quelque part, on va commencer à conclure cette rubrique IA pour cet épisode, rassurez-vous, parce que on le dit assez régulièrement, mais tu vas voir ce que ça va être dans le domaine de la vidéo. Alors, justement, là, on n'est pas très précisément dans le domaine de la génération pure de vidéos, quoique, on est dans l'étape suivante qui consiste à aménager une vidéo. Je repense à tous ces exercices, comment ça s'appelle ça? C'est de la motion capture, je crois, hein, dans les jeux vidéo et dans les films, où des personnes joue un rôle et c'est réappliqué numériquement. Ça peut être le cas de Gollum, par exemple, dans Le Seigneur des Anneaux. Là, on commence à toucher du doigt un truc qui risque de révolutionner, si ça avance, ce sujet-là. Tu vas nous en parler un petit peu plus. C'est l'étape d'après des images génératives, Guillaume. Ben oui, puisqu'on parle de Stable Diffusion, ben c'est Runway ML donc, qui a participé à son élaboration de Stable Diffusion et qui ne se repose pas sur ses lauriers puisqu'il vient d'annoncer Gen 1, donc Gen 1. C'est un algorithme de post-production vidéo qui pourrait devenir aussi révolutionnaire que Stable Diffusion. Donc, on imaginait effectivement que l'étape naturelle de la génération d'images allait vers après la génération de vidéos. Mais en fait, c'est très très lourd de générer des vidéos de zéro, tu vois. C'est très très lourd. Donc, Redoux a décidé de contourner le problème assez intelligemment en ne proposant pas un algorithme qui génère des vidéos ex nihilo, mais qui se base sur un clip déjà existant. Et ensuite, l'IA peut absolument tout changer. Donc, il y a plusieurs modes d'usage. Donc, le premier, c'est une stylisation. Donc, tu prends une vidéo de toi en train de raconter ton dernier passage à la poste. Tu donnes ça à un algo avec une image de Diablo et tu as une séquence qui doit être assez proche de 10 minutes en enfer, quoi. Tu vois, c'est vraiment... Ça marche bien. Ça ressemble à un transfert de style avec Stable Diffusion. Mais là, l'accent est mis sur la continuité des mouvements et la cohérence du style. Alors, le transfert de style peut aller très loin, hein. Tu peux faire des séquences quasi 100% synthétiques, en fait, très facilement. L'exemple suivant, il est très très parlant pour ça. Tu mets quelques bouquins debout sur une table, et après tu les filmes avec ton téléphone de haut, hein, voilà. Et ensuite, tu lui dis, ça c'est une ville de nuit. Et hop, boum, t'as un survol de building, comme ça, sans quitter ton bureau. Tu vois, là, c'est vraiment radicalement changé. Donc, en fait, tu fais une sorte de storyboard, quoi, et après, tu l'habilles comme tu veux. Tu peux aussi utiliser un prompt texte pour modifier des éléments, pour voir substituer, et tu peux même, d'ailleurs, carrément te substituer totalement à un rendu 3D. Donc, tu imagines, par exemple, que tu prends une scène extrêmement basique, hein, en 3D, mais avec des personnages en façon prototype, tu vois, avec des scènes en polygone, sans texture, rien, avec 12 polygones, et tu peux l'habiller ensuite comme tu veux. Donc ça ouvre des perspectives absolument hallucinantes pour le cinéma ou le jeu vidéo, parce que aujourd'hui on utilise déjà le deep learning pour afficher de la 4K 120 fps, alors que c'est un jeu qu'on rend en fait en 1080p 60 fps. Mais demain, peut-être qu'on rendra un jeu non texturé, face pleine, tout dégueu, tout moche, en 720p. Et ce sera d'ailleurs quasi gratuit, hein, pour la carte graphique de rendre ça. Au niveau 3D, ça coûtera que dalle. Et ensuite, tout l'habillage, le rendu, le style serait rajouté par des modèles d'un deep learning. Donc ce serait une sorte... Et puis après, tu prends un coup de DLSS et boum, t'as un truc photoréaliste en 4K, tu vois. Donc les cartes 3D pourraient devenir principalement des accélérateurs de deep learning. La partie 3D devenant totalement anecdotique. Bon, on en est encore loin, parce que faire la transformation 60 fps avec une qualité raisonnable, ça doit demander une quantité de VRAM et de calcul pour l'instant phénoménale, mais dans 10 ans, on va savoir, tu vois. Donc il y a un gros potentiel pour Gen 1, en tout cas, voilà, ça s'annonce comme le début, en fait, de super outils de post-production. Et voilà, donc l'article est un accès libre, le modèle pas encore, à ma connaissance, mais voilà, ça sera très intéressant à tester bientôt. Il est possible de demander un accès éventuellement, et si jamais vous justifiez, il y a probablement moyen de creuser le sujet. Mais allez voir sur le site internet qui est dont le lien figure dans les notes de l'épisode. Vous serez, à mon avis, assez bluffé. Et puis, donc, pour définitivement conclure cette rubrique, tu vas nous parler peut-être de la pire bonne idée qu'on pouvait avoir en matière de génération d'images, c'est de mettre à disposition ces algorithmes et de les penser spécifiquement pour aider les autorités à réaliser des portraits robots, Guillaume. Et oui, des portraits robots qui, du coup, n'ont jamais aussi bien porté leur nom, n'est-ce pas ? L'idée brillante, hein, vraiment très brillante, c'est la suivante. Qu'est-ce qu'un portrait robot ? Ben, c'est un dessin moche d'un visage fait à partir d'une description. Mais attends, on est en 2023, mec. Pourquoi faire un dessin avec ses mains ? Je veux dire, quelle idée ? C'est presque 2021 de dessiner avec ses mains, tu vois ? Surtout qu'on a une description déjà. Alors voilà, donnons-le à Dali, genre, tu vois, et puis il te fait ton portrait robot, et il te donne une photo, carrément une photo de criminel, bronzé souvent, hein, pardon d'ailleurs. Mais oui, les mecs ne se sont pas posé plus de questions que ça, quoi. C'est voilà. Alors déjà que les portraits robots, c'est une source abondante de confusion et d'erreurs judiciaires, ouais. Tu imagines le bonheur d'un portrait robot photoréaliste, qui a l'air d'être quelqu'un, mais qui n'est personne. Mais c'est pas parce qu'il n'est personne qu'il ne ressemble pas à plein de gens, tu vois. Plein de gens qui, d'ailleurs, pour l'immense majorité, n'ont rien à voir avec la sauce. D'autant que le principal problème du portrait robot, souvent, c'est le témoin. Parce que la mémoire est fragile, elle est malléable, les descriptions sont approximatives au mieux. Au moins, un dessin, c'est schématique. Tu vois que c'est une approximation, que c'est une ébauche. Au moins, t'es prévenu. Là, on n'a rien de tout ça. On a la photo d'un gars. Souvent avec la peau foncée, et voilà, voire très foncée, tu vois. Et c'est tout. Et en général, on retient les visages comme un tout, pas comme une somme de détails. La mémoire, elle est malléable. Si on te présente la photo d'un gars comme le portrait du suspect, même si ça lui ressemble pas tant que ça, ça peut même influencer la mémoire du témoin, voire ça peut remplacer la mémoire du témoin. Ça s'est vu, hein. Donc, voilà, depuis la brillante initiative de la police d'Edmonton qui avait carrément établi un portrait robot à partir de l'ADN du suspect, on avait parlé, c'était ah oui, le sommet. C'est vrai, je me rappelle. Voilà, les portraits robots d'Ali sont sans doute une des idées les plus douteuses de l'utilisation des techs et de l'IA en particulier dans la police, mais c'est sûrement pas la dernière. Hein, donc c'est, en tout cas, tu vois, c'est vraiment très très hype. C'est partout. Le gros du problème reste quand même la notion même de portrait robot, comme tu le dis si bien, parce que finalement, alors il y a déjà des logiciels, des programmes qui permettent de générer des visages, alors pas par intelligence artificielle, avec des catalogues de morphologie, un petit peu comme quand vous composez le personnage de vos rêves dans le dernier jeu vidéo à la mode, si tant est qu'il vous permette de rentrer un petit peu dans les détails. Mais pour moi, c'est le gros du problème. Finalement, c'est le fait que ce soit restitué par une intelligence artificielle ou par un catalogue d'applications, je sais pas si ça change fondamentalement la donne. L'idée est tout si, aussi mauvaise, si. Tu vois. Bah, moi, je pense que ça change, c'est encore pire, parce que encore une fois, il y a une sorte de biais d'autorité, et là, tu vois une photo. Donc, t'es forcément influencé, tu vois. Quand tu vois un dessin ultra schématique, tu te dis, bon, c'est un guide pour essayer de reconnaître quelqu'un. Là, tu vois une photo, donc c'est juste, bah, voilà, c'est une photo, donc c'est lui, tu vois. Il n'y a pas cette... Enfin, moi, je pense que c'est encore pire, quand même, bon. J'avoue que je connais suffisamment pas bien probablement ce qui existe aujourd'hui en matière de génération de portraits robots. On est en train de débattre sur pourquoi est-ce que c'est une très mauvaise idée. Je vous propose qu'on en reste à la conclusion que c'est une très mauvaise idée de toute façon. On va d'ailleurs enchaîner. Alors on parle d'images, de génération d'images, on parle de sécurité. C'est parfait, ça nous permet d'attaquer directement une rubrique avec une info, comme je vous l'ai dit en intro, qui est assez, qui prête à sourire et qui en même temps fait un petit peu peur. C'est le risque de contamination de quelque chose qui se doit d'être préservé, Guillaume, ce sont les sushis. Bah oui, c'est quand même du poisson cru, quoi. Essayons quand même de faire en sorte que ça reste sain, non ? Est-ce que t'aimes les sushis, Guillaume ? Moi, j'adore les sushis, ouais, effectivement. Tout ce qui est... les sushis et tout le reste. Toute la cuisine japonaise. Mais oui, absolument, absolument. Et justement, dernier endroit où la vidéosurveillance fait son apparition face à des attaques terroristes, les plateaux de sushis. Et oui, figure-toi que le Japon fait face à une vague de sushis terrorisme sans précédent. Les réseaux sociaux sont là encore à la base de tout, hein, car c'est là qu'on peut voir ces odieux déséquilibrés pénétrer dans les bars à sushis et souiller les couverts, les plats, la nourriture elle-même, hein, devant des dizaines de millions de voyeurs comme ça. Donc le terroriste prend sur le tapis roulant un plat, lèche le goulot d'une bouteille de sauce soja, une cuillère, voire ses doigts même avant de toucher les sushis, et puis il les remet sur le plat, puis sur le tapis, il se gosse de son méfait. Contre ces criminels, la chaîne de bars à sushis... Mais pourquoi ils font ça ? C'est fou ! Parce que moi, vraiment, s'il y a bien un pays dans lequel j'aurais pas soupçonné qu'il puisse y avoir des activistes ou des terroristes de ce type-là, pour moi, c'est le Japon. J'ai une image des Japonais qui est très respectueuse comme ça. Ils peuvent être très pervers, les Japonais, je veux dire. Ne les sous-estime pas. Mais enfin... Incroyable. En tous les cas, contre ces criminels, donc les chaînes de bars à sushis s'organisent et mettent en place une vidéosurveillance plus poussée, aidée par des IA, bien sûr. Parce qu'il y a déjà des caméras dans les bars à sushis, il ne faut pas déconner, ça sert à déterminer la facture de chaque client, d'ailleurs. Le but, c'est de les upgrader pour qu'elles puissent mieux comprendre ce que fait le gars et détecter les comportements de malotru hein, de certains. Donc voilà, le danger est partout et l'IA vaut le secours des sushis, au prix de toujours plus de surveillance, bien entendu. Et je ne sais pas si ce monde mérite d'être sauvé. Je suis tenté de monter le chauffage, là, tout de suite. Hein. Tu le ferais volontairement. En même temps, quand je constate que des gens peuvent faire autant de dégâts comme ça avec de la salissure de nourriture, ça me rend déjà triste. Bon, allez, on parle de phishing, Guillaume, un petit peu. Bah oui, en matière de sécurité informatique, l'hameçonnage, un double phishing, c'est toujours une valeur sûre. Récemment encore, Reddit a été hacké comme ça. Un seul employé s'est fait avoir et s'est rendu sur un faux site hein, qui ressemble à un portail de l'intranet de la boîte. Pourtant, il avait une authentification à deux facteurs. Mais bon, on a déjà discuté de certaines faiblesses hein, de ces procédures. Bon, c'était sans doute en 2018, d'ailleurs, lors d'une autre brèche de Reddit suite à un phishing. Et bon, là encore, il s'agissait sans doute d'une authentification simple à base de boutons oui-non, tu sais, à valider. Bon, au moment de s'identifier, hein, c'est ça sur le téléphone. Or, bah, si le pirate fait la procédure en même temps que le vrai site, en même temps sur le vrai site que l'employé se logue sur le faux, bah, il n'a pas franchement de raison de répondre non, le type 1, hein, puisqu'il pense être sur le vrai site. Donc ça arrive même au meilleur, c'est pour ça qu'il y a des raffinements sans cesse de sécurité. Mais en fait, parfois les tentatives de phishing se font en pleine lumière. Voire elles payent des sommes conséquentes pour être en pleine lumière, pour être visibles de tous. Parce qu'assez incroyablement, depuis quelques mois, il y a des campagnes de pub pour des logiciels connus sur Google qui amènent sur des faux sites. Donc là, vous téléchargez bien le logiciel, mais avec un petit bonus, un petit malware concocté avec amour. Alors vraiment petits oignons le truc, hein. Puis, alors ils l'ont appelé Malvert, c'est la firme de sécurité SentinelOne qui l'a appelé Malvert. Donc lui, il fait beaucoup d'efforts pour ne pas se faire détecter. Et même une fois que vous l'avez installé, il utilise du trafic leurre en fait vers une dizaine de sites pour noyer le vrai trafic qui va chez le criminel. Donc l'attaque c'est la suivante, hein. Tu cherches tout bêtement Adobe Reader, GIMP, Teams, Slack, Thunderbird, voilà sur Google. Google t'affiche des liens sponsorisés. Ces liens sponsorisés, tu vas voir sur des sites contrefaits, ou qui ont l'air d'être les vrais, tu télécharges en fait un loader. Et ce loader, il est super discret, il charge ensuite un malware comme Xloader ou Metastealer, et IceID, je vais y arriver, c'est pas évident, pour voler vos infos, voilà, ou même t'inclure dans un botnet, hein, dans le cas de IceID, je crois. Donc aussi hallucinant que ça puisse paraître, les pirates payent aujourd'hui Google pour relayer leur virus, et incroyablement, ça marche, et Google n'arrive même pas à suivre le rythme, c'est quand même fou, hein. Incroyable et diablement simple probablement, quoique je sais pas si c'est si simple que ça, mais enfin spontanément ça me paraît très très simple de créer une page comme ça et d'injecter de la pub avec Google. C'est pas forcément rassurant. De manière générale, quand vous téléchargez des trucs, effectivement, quand c'est des liens sponsorisés, soyez vigilants. On continue à parler de démarches de hackers, Guillaume, qui vont infecter des serveurs un petit peu dans le monde avec une méthode assez remarquable. Oui, bah, de toute façon, d'après la dernière news, ça devrait être évident. Hein. Vous êtes paranoïaque, c'est bien. Le danger est partout. Tout le monde vous en veut. D'ailleurs, si vous avez un serveur virtualisé sur SXE, donc SXE, c'est l'hyperviseur, c'est-à-dire grosso modo l'OS de VMware, sur le qui va hoster les VM, sachez qu'en ce moment, il y a une vague d'attaques sur la France, l'Italie et l'Autriche à cause d'une faille de sécurité un petit peu ancienne qui a été patchée, mais bon, voilà, ça n'a pas atteint tout le monde. Et il y aurait plus de 3200 machines compromises. Donc si vous avez un service en VMware, vérifiez bien que c'est à jour. Et puis, puisqu'on y est, puisque si vous avez déjà acheté, voilà, si vous avez déjà acheté un mug Charlie Hebdo, ou si ouais. Vous avez déjà été abonné une fois dans votre vie à cette publication, mais il y a une bonne chance que les Iraniens connaissent toutes vos infos. D'après Microsoft, c'est un groupe iranien qui aurait attaqué le journal le 4 janvier dernier. Donc la base de données de 230 000 clients de Charlie, c'est elle se balade en vente pour 20 bitcoins, enfin elle se baladait en vente pour 20 bitcoins. Ça doit faire 300 000 balles. Donc le groupe serait Mnet Passarguard, qui est connu en fait des services américains pour son implication déjà dans la campagne d'Infox de 2020. Et c'est assez préoccupant parce que Charlie, c'est une cible politique, hein, donc l'attaque fait peut-être suite à un concours de dessin sur Khamenei. Donc l'attaque est aussi politique, donc c'est pas un ransomware lambda. Donc c'est assez inquiétant, voilà, que les infos d'autant de gens se baladent, surtout avec les barges qui peuvent tourner autour de ces zones idéologiques, on va dire. faites attention, redoublez de vigilance de manière générale, c'est facile à dire, mais il vaut mieux... en fait, vraiment le conseil que j'ai, parce que c'est assez régulièrement que j'ai des personnes dans mon entourage qui ont évidemment des tentatives comme ça, ils se font cibler, et on ne sait pas trop comment réagir, mais en fait, vraiment, soyez mais maxi prudents, ne cliquez jamais sur les liens sur le coup, prenez l'habitude de toujours les regarder. Soyez paranoïaque. Soyez paranoïaque, effectivement, c'est peut-être comme ça que vous allez tirer votre épingle du jeu. On va, alors peut-être un endroit aussi où il faudrait être encore plus paranoïaque, à savoir, c'est en Chine, notamment quand t'as un smartphone comme ça qui semble tout à fait estampillé pour les services chinois, Guillaume. Bah, parlons Chine, puisque voilà, le ballon chinois fait tous les gros titres depuis deux semaines, enfin les ballons. Ballon chinois. Alors il y a eu, bah, il y a eu trois autres ballons d'ailleurs qui ont été abattus récemment aux US Canada, je suis pas sûr qu'ils étaient chinois. De toute façon, il y a plein d'ovnis en ce moment. Voilà, des ovnis qui désormais sont tous descendre, hein, il y a une salle, il y a une sale ambiance. Donc, voilà, j'espère que dans le tas, il y a pas vraiment des extraterrestres, tu vois. Imagine, il y a un gars d'Omicron percé 8 dedans, tu vois, c'est un gros incident diplomatique, hein. La planète envahie tout ça. Bon, pour le moment, le plus gros apparemment il était chinois, très probablement un ballon espion. Alors envoyé intentionnellement ou pas, je sais pas, je me demanderais presque, c'est tellement flag un ballon qui fait la taille de 3 bus, je sais pas comment ils ont pu imaginer que ça se verrait pas, bref. Bon, quoi qu'il en soit, ça arrange pas les relations Chine-US, qui vont sans doute encore prendre de nouvelles sanctions, certaines parties du ballon auraient eu des écritures en anglais, donc il est bien possible que de nouvelles boîtes soient interdites de travailler avec les Chinois, et ferment encore un peu plus voilà, les deux pays l'un à l'autre, quoi. Et dans ce contexte, d'ailleurs, la position de TikTok devient de plus en plus inconfortable, ils sont attaqués pour leur influence sur les jeunes, hein. Le PDG va devoir convaincre en mars prochain sur l'innocuité de son site devant la Chambre des représentants. Bon, si l'interdiction de TikTok aux US semble peu probable, il faut se souvenir quand même qu'elle n'est pas impossible, puisque TikTok s'est fait virer littéralement d'Inde en juin 2020. Alors, l'Inde et la Chine, plus, honnêtement. Ben, en fait, l'Inde et la Chine sont frontaliers, et la raison du départ précipité de TikTok, ça a été très direct, hein, puisqu'il y a eu un échauffouré militaire à la frontière, il y a eu 20 morts, voilà, donc il y a 200 apps chinoises qui se sont fait virer du pays, donc TikTok c'était la plus grosse, de très loin, 200 millions d'utilisateurs, et quand il est parti, ça fait un choc. Mais en fait, pas pour très longtemps, parce que figure-toi que 3 ans plus tard, plus personne, globalement, ne regrette vraiment TikTok. Donc créateurs comme utilisateurs se sont rabattus sur Instagram et, et YouTube, qui ont désormais les des services analogues, YouTube, hein. Ouais. Voilà, les shorts, les reels. Et alors au passage, évidemment, certains ont perdu beaucoup d'audience, en fait, mais bon, ok, rien de grave, si tu veux, stratégiquement. TikTok, bon ben voilà, hein, il a laissé un vide. Et tu peux te dire qu'il y a plein de startups qui ont essayé de le combler. Alors oui, mais malheureusement, ben, il n'y en a aucune qui a vraiment réussi, quoi. Donc sur 13 candidats, il y en a 3 qui survivent aujourd'hui. Et elles n'ont pas du tout l'envergure des Reels d'Insta ou des Shorts de YouTube. Bon, si les US virent TikTok, il se passera probablement la même chose, c'est-à-dire pas grand-chose de surprenant, quoi. Ça va renforcer les gros acteurs US déjà bien en place, donc ça changera un petit peu le star system des influenceurs établis. Mais surtout, en termes de concurrence, bah, ça va juste renforcer les deux gros qui sont déjà là. C'est très très difficile de faire émerger des nouveaux trucs, hein, des nouveaux services. Qui vont s'améliorer sans doute avec des algorithmes de recommandation, mais ça c'est dans tous les cas, même si TikTok est là, ça va évidemment continuer. On va conclure, Guillaume, sur cette rubrique sécurité avec des domaines de protection des mœurs, on va dire. Oui, il faut protéger les enfants, voilà, je sais pas pourquoi on dit ça, il faut protéger les enfants, c'est pas vrai, c'est l'inverse, il faut nous protéger, nous, des enfants, c'est eux le danger. Ils sont partout, voilà, ils se déplacent en meute en plus, ils sont terrifiants, ils poussent des cris inhumains, les enfants. Je passe régulièrement devant l'école primaire. Je sais pas si je vais t'inviter un jour dans contrôle parental. Non mais c'est vrai, écoute, je passe régulièrement devant une école primaire, je sais de quoi je parle, hein, bon. Oui, donc, ça c'est vrai. On entend toujours qu'il faut protéger les enfants, et pour ça, souvent, on nous met en danger, nous, c'est un scandale. Regarde en Utah. En Utah, ces mormons ont encore inventé un projet de loi fantastique, hein, qui obligerait à tous les parents de divulguer leur pièce d'identité pour que leur charmant petit rejeton puisse aller bitcher en ligne tous ensemble. Eh ben bravo, pour protéger les enfants, je dois me mettre en danger, tu vois. Bon, alors en fait, la loi stipulerait que tout le monde aura besoin d'une pièce d'identité pour s'inscrire un peu partout, de YouTube à Snapchat. Un projet sympa, qui tue donc l'anonymat en ligne, qui interdit l'accès à Internet à tous les enfants dont les parents s'en foutent, comprennent que dalle ou ne veulent pas se mouiller. Bon, voilà. Alors, remarque bien que de notre côté, en Europe, bah, la question du porno en ligne, elle continue de rester en l'air comme ça et de pendre, hein, comme une belle paire de cerises. Enfin, en France, ça avance un petit peu. L'ARCOM, la CNIL et le ministère ont une solution, une app tierce pour vérifier l'âge des coquilles qui auraient une envie de se faire un petit massage ciblé. Donc le problème de la vérification de l'âge et donc de l'identité, en fait, se déplace du site porno à une appli qui elle-même va solliciter un tiers de confiance, un tiers de certification comme votre prestataire internet par exemple. Alors concrètement, donc, tu te connectes sur ton site de furries préféré. Avant de vous laisser te détendre, hein, le site envoie une requête ou un document à l'application. Comment le document est transmis, c'est pas encore clair. Mais le doc ne mentionne pas son origine. Donc là, pour reçoit le doc, mais ne sait pas a priori de qui ça vient. Ça pourrait très bien venir de l'amicale d'ostréiculture niçoise, à savoir. Donc le doc doit être signé par un tiers, tiers qui connaît ton âge. Hein. Donc ton FAI, ta banque, ta mamie. Voilà, ta mamie qui est fière de te voir perpétuer la tradition ostréicole familiale. Le document dûment signé devient un bon pour des heures de plaisir, voilà, humide et poilu. Bon, la France pencherait donc pour la solution à base d'app, voilà, il y aurait une app, une masturbap, ce qui soulève le délicat problème de tous les amateurs de loisirs adultes hein, qui n'ont pas de smartphone. Ou pas de téléphone compatible, quand même. Faut voir que, voilà, donc ça veut dire que maintenant, il va falloir une application, donc un téléphone pour ça. Bon, c'est pas une solution géniale, de toute façon, il n'y a aucune solution géniale. Hein. Ça implique plein de gens, quand même, hein, et surtout la coopération de beaucoup de gens entre eux, donc, et puis en plus, celle de tous les sites porno du web. Ce qui est compliqué, parce que bon, les gros pourraient à un moment être forcés de s'y plier, c'est vrai, et ça sera aussi l'heure de gloire de plein de sites miroirs, tu vois, de sites plus underground. Mmh. Il va y avoir des parties de tap-top en perspective, hein, je pense. Hein. Il y aura peut-être même un scénario à la zone téléchargement ou un truc comme ça. Hein. Mmh, c'est fort possible, effectivement. Et puis, il y aura évidemment toujours les VPN qui vont continuer à proposer des services pour quelques euros par mois. Merci, Guillaume, pour cette revue hyper complète aussi en matière de sécurité. Des sujets captivants qu'on va néanmoins laisser de côté pour se faire plaisir pour notre petit dessert habituel que constitue la rubrique jeux vidéo. Et c'est quoi un peu notre chouchou de la rubrique jeux vidéo, Guillaume? Bah, j'allais te le dire, pour moi, c'est la Switch. Bien sûr, la Switch, depuis toutes ces années qui occupent le terrain vidéoludique des familles, des petits et des grands, et qui n'est toujours pas mise à la retraite, Guillaume. Elle a toujours pas ses 64 ans fatidiques. Et non, elle a que 6 ans, faut dire. Bon, mais elle se fait quand même un peu vieille, surtout parce que c'est pas comme si elle était équipée d'une puce qui défonce et tout en 2017. Mais bon, elle est pas du tout en retraite, hein. Elle a beau avoir été vendue plus que la PS4, et bah, elle va quand même continuer de cotiser. Et de cotiser à fond. Voilà, ça veut dire, n'espérez pas la moindre baisse de prix, hein, c'est mort. Alors c'est Nintendo, faut pas déconner. Enfin, Nintendo qui devient de plus en plus un éditeur comme les autres finalement, hein, puisqu'il sort des jeux pas finis éclatés au sol, des jeux à 70 balles alors que leur machine a le niveau électronique, enfin le niveau technique d'une Wii U. Bon, on les aime bien quand même parce que Metroid Prime revisité, parce que Advance Wars et parce que Pikmin revient aussi. Voilà, il y a même un chien cette fois. Donc il y a beaucoup de retours d'ailleurs à ce Nintendo Direct. Je sais pas si t'as vu ce Nintendo Direct. Oui, je l'ai vu passer dans les grandes lignes, effectivement. Ouais. Il y avait des vieilles gloires comme Etrian Odyssey ou Ghost Trick d'ailleurs, et puis l'arrivée des jeux Game Boy Advance, hein, vieille gloire s'il en est. Et bon, il y avait aussi Fashion Designer, voilà, Fashion Designer qui me ferait perdre foi en l'humanité si j'avais déjà pas eu à couvrir toutes ces news sur les NFT, et bon voilà, j'ai plus grand chose à craindre. Est-ce qu'il y a un truc qui t'a particulièrement plu toi dans ce Nintendo Direct? Non, mais par contre j'avais joué beaucoup à Advance Wars sur Game Boy Advance, je pense, si je dis pas de bêtises, et j'avais beaucoup aimé, donc écoute, peut-être que c'est pour moi l'occasion de me replonger dedans. Je sais pas si je vais avoir suffisamment de temps à me consacrer là-dedans, parce qu'on est quand même dans une période où il y a tellement de bons jeux, que du coup, tu vois, consacrer du temps spécifiquement à ces créations-là, c'est pas trop mon truc. Alors Pikmin, je passe complètement à côté, enfin je suis toujours passé à côté, et je pense que celui-ci va pas plus me motiver. Mais on a eu par contre des images du prochain Zelda, Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Eh ben, c'est rigolo parce que, bon, moi j'ai adoré Breath of the Wild, j'ai mis du temps à m'y mettre, on m'a beaucoup poussé à le faire parce qu'au début ça me rebutait, et petit à petit ça m'a plu et vraiment j'ai adoré le faire et le poncer. Mais par contre, je sais pas, est-ce que j'ai envie de revivre Zelda dans un univers un petit peu subtilement différent, mais avec les mêmes approches, le même gameplay, les mêmes mécaniques, avec, oui, des nouveaux éléments d'histoire à découvrir, mais est-ce que j'ai vraiment envie de me replonger là-dedans? Et du coup, je me posais la question, il est présenté comme étant peut-être un truc incontournable de 2023, un GOTY potentiel. Bah, je me demande si ça risque pas de faire flop, en fait, en voyant ces images. Je sais pas quel sentiment tu as et quel rapport tu as avec les Zelda, de manière générale, Guillaume. Bon, j'ai de moins en moins Zelda, bizarrement, mais honnêtement, voilà, je fais partie de ceux qui n'ont pas super apprécié forcément le dernier Zelda parce que ah, trop ouais. De trucs un peu chiants, mais bon, je sais que je suis bizarre. Après, ça veut pas dire que c'est un mauvais jeu, hein, ça veut dire que voilà, il y a des trucs qui... Donc je pense pas que celui-là va beaucoup plus me plaire, et effectivement, ouais, c'est vrai que ça a l'air d'être le même monde quand même, avec des trucs différents, mais oui sûr, mais... Donc je sais pas, techniquement il a l'air de vraiment de pousser la machine, donc ça c'est quand même sympa. Ah bon? Tu trouves? Ah, ok. Bah, parce que, bah, déjà, par rapport au précédent? Oui, il a une distance de... Il affiche plus de détails. Ok, même, très bien. Que l'autre. Okay. Et bon, ça, c'est quand même toujours sympa. Bon, enfin, je sais pas. Je l'attends pas plus que ça. Mmh. Bon, si je l'attendais, je râlerais sur le prix de 70 balles, mais ça, je vais pas le faire. C'est 70, t'es gentil, c'est 80, non? C'est 80, non, c'est 70 balles. Non, c'est 80 balles, c'est les jeux PlayStation 5 et les jeux. Justement, il me Switch. Semble qu'ils se mettent à niveau sur les prochains jeux et que, sauf erreur, hein, je veux pas dire bêtises, mais Zelda Breath of the Wild était déjà à 69 euros à l'époque, ah et non, au lancement, si j'ai pas de bêtises. Magnifique. Et bon, il me semble que, ouais, il s'aligne. Pourquoi il le ferait pas, tu me diras? Et vraiment, si je dis des bêtises, corrigez-moi. Parce qu'il y a une petite différence de niveau entre la PlayStation 5 et la Switch, je sais pas. Oui, mais c'est Nintendo, tu vois. C'est fini les arguments rationnels avec les solutions technologiques qui justifient les prix, voyons. bon, on enchaîne, Guillaume, sur la partie jeux vidéo. On reste quand même chez Zelda un petit peu. Oui, bah, un truc vraiment sympa, c'est que donc, Zelda, donc A Link to the Past, donc un très vieux Zelda, celui de la Super Nintendo. Donc Zelda 3 qui a été complètement reprogrammé en C, 80 000 lignes de code, ce qui veut dire tout simplement que vous pouvez y jouer sur n'importe quelle plateforme puisque du coup il est recompilable, donc ça peut devenir une application PC, ça peut devenir une application Mac, ça peut devenir aussi une application sur une autre console, c'est-à-dire vous pouvez parfaitement imaginer que ça puisse sortir sur Sega 32X ou Sega CD. Et donc c'est assez extraordinaire. Alors comment ça a été possible? Bah, Zelda 3, donc la ROM de Zelda 3 a déjà été désassemblée. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui s'est emmerdé à prendre tous les codes binaires et puis à traduire, voilà, ça, parce qu'on connaît très bien l'architecture du truc. Donc ils ont réussi à refaire un listing assembleur du truc. Et donc, bah, à partir de ce listing assembleur, il y a un collectif qui en a fait un programme C qui est quand même beaucoup plus lisible. Et c'est devenu donc une nouvelle application avec la possibilité d'avoir donc des améliorations, donc par exemple le support des écrans larges, le support du pixel shading, une meilleure carte, etc. etc. Donc c'est assez extraordinaire. C'est une somme de travail absolument colossale pour un jeu qui fonctionne exactement pareil que l'original, mais qui est désormais portable sur n'importe quelle plateforme. Donc c'est assez extraordinaire. C'est beau de voir la portabilité comme ça des jeux, enfin le travail qui est fait par ces passionnés. Et j'en profite du coup pour corriger un petit peu ce que je te disais, c'est le prochain Zelda, il sera vendu 70$ aux États-Unis, qui est effectivement un nouveau record, mais c'est pas un standard du tout. Et a priori, ça va pas se répercuter en Europe. Donc je t'ai dit des bêtises. Voilà, je voulais me corriger avant qu'il ne soit trop tard, même si je ne doute pas qu'on me l'aurait fait. Stadia, Guillaume, on a des petites infos. Il y a l'enquête qui se trame pour ça. Savoir pourquoi est-ce que Stadia a été assassiné aussi sauvagement. Tu commences à avoir un mobile. Eh ben écoute, finalement, là, c'est les chiffres qu'a reçu la CMA. Alors, tu sais que donc la spoiler, ça marchait pas en fait. Enfin... De quoi? Spoiler, ça ne générait pas assez de revenus pour Google. Exactement. Et voilà, on va le résumer comme ça. En gros, ça a fait un énorme bide intersidéral. Voilà, on va le dire comme ça. Donc oui, bon, c'est des chiffres qui sont intervenus dans la procédure entre la CMA donc anglaise et Microsoft qui veut racheter Activision et que la CMA veut pas. Et en fait, des chiffres ont émergé, voilà, pour comparer les parts de marché des uns et des autres, en particulier sur le cloud gaming. Et si on en croit ces chiffres-là, le marché du cloud gaming, donc en 2022, donc les parts de marché de Microsoft, c'est 60 à 70%, GeForce Now, c'est 10 à 20%, PlayStation Cloud, c'est 10 à 20%, et Stadia, c'est 0 à 5%. Eh bien. Sachant que c'était aussi 0 à 5% en 2021. Donc, on a effectivement eu un petit début de mobile pour cet assassinat de Stadia. C'est que, de toute façon, il a fait que dalle. Hein. En gros, il avait des parts de marché absolument rikiki. Progressait pas, en plus. Même si, attention, il faut quand même le dire, ces chiffres sont à prendre avec des pincettes parce que, en fait, ce sont des chiffres globaux. C'est-à-dire que quand ils disent Microsoft Xbox Cloud Gaming, étant donné que les gens qui sont abonnés, tu vois, au Game Pass Gold, bah, du coup, ils ont aussi accès à xCloud, ils sont probablement comptabilisés, même s'ils n'utilisent pas le service. Et c'est pareil pour PlayStation, d'ailleurs. Il y a des chiffres agrégés comme ça qui font qu'il y a probablement des grosses approximations sur ces chiffres-là, donc il ne faut pas les prendre au pied de la lettre. Néanmoins, quand tu as un ordre de grandeur qui est de 5% à 60-70%, Même s'il y a des approximations, ça veut dire quelque chose, tu vois. Et ce quelque chose, bah, c'est que Stadia, comme Luna d'ailleurs, hein, parce qu'en fait, ça, c'est des chiffres. Luna, il n'est pas disponible en Europe, mais Amazon, donc, est concurrent aux États-Unis de Xbox et de feu Stadia. Mais Luna, c'est pareil, c'est 0 à 5%. De toute façon, en 2022, c'est très, très faible. Donc, en gros, bah, le ténor du truc, c'est très, très largement Xbox. Et GeForce Now s'en sort quand même pas trop mal, et PlayStation aussi, mais Xbox, le xCloud, c'est clairement le leader. Bon, on pouvait s'y attendre. Ils avaient visiblement pas de perspective pour faire décoller les choses à l'avenir. Et on conclut, Guillaume, cette rubrique jeux vidéo avec un gros filon découvert sur Steam, si je reprends tes propos dans les notes de l'épisode. Oui, pour Dwarf Fortress, je ne sais pas si vous connaissez ce jeu absolument incroyable. C'est un jeu d'une complexité, et forcément c'est un jeu qui est développé depuis 16 ans, en permanence, par deux gars. Ces deux gars-là, ils font ça, et c'est un jeu qui est donc un jeu de gestion, Dwarf Fortress, un jeu de gestion de communauté de nains, donc. Enfin, même s'il y a aussi une version, il y a aussi une possibilité de faire un jeu d'aventure dedans, mais c'est un jeu qui a pris une ampleur absolument délirante au fil des gens, puisque c'est un jeu qui simule non seulement un monde, parfois même un monde immense, un monde ouvert, un monde absolument immense, mais en plus des civilisations, il simule aussi l'histoire. C'est un des seuls, c'est le seul que je connaisse qui simule l'histoire complète d'une civilisation. Donc c'est vraiment un jeu d'une ampleur absolument incroyable. Et c'est aussi probablement, conjointement à être un des jeux les plus complexes, c'est aussi un des jeux les plus imbitables auxquels il m'ait jamais été donné de tenter de jouer. Puisque c'est un jeu d'une complexité atroce et qui, jusqu'à très très très récemment, n'était qu'en mode texte, n'avait qu'une interface en mode texte. Un petit peu austère graphiquement. Ouais. Oui, on va dire que c'était très légèrement austère. les mecs ont fait le saut dans le 16 bits. C'est assez extraordinaire. 16 ans plus tard, ils se sont dit, bon, allez, on va faire un truc, on va faire une interface graphique à base de, voilà, mais, bon, franchement, c'est du 16 bits. Hein. Et ils ont mis ça sur Steam. Et incroyablement, ben, comme c'est quand même un super jeu, eh ben, ça s'est super bien vendu. Ça, et comme les gens connaissent déjà beaucoup quand même, ils ont reçu 7 millions de dollars, c'est qui est quand même assez extraordinaire pour leur premier chèque, sachant que le mois d'avant, ils avaient reçu 15 000, c'était des dons en fait, hein, ils fonctionnaient par dons. Donc c'est des mecs qui ont travaillé 16 ans sur ce jeu, qui vont continuer, et à un moment, ils ont eu des problèmes de santé, en fait, il y en a un des deux qui a eu un problème de santé grave, et ils se sont rendu compte que financièrement, c'était pas très viable leur truc, et voilà, ils se sont dit, bon, bah, on va essayer de faire en sorte de rendre ça plus accessible, et c'est à ce moment-là qu'ils ont décidé de faire une version Steam qui est perfectible, très très clairement, mais qui est quand même un grand pas, et voilà, et quelque part, bah, c'est mérité, voilà, enfin, tout ce travail après 16 ans en fait récompensé, donc voilà, c'est très bien pour eux. Tu y as joué ? Oui. J'ai essayé. Moi, je suis un très, très, très noob, donc il faut vraiment que j'apprenne et tout. C'est très, très, très rugueux. Même la version Steam est très, très rugueuse. D'accord. Mais j'avais essayé déjà la version de texte. J'avais essayé. Ouais. Et c'est absolument fascinant, ce truc. Hein. Moi, j'avais essayé même en aventure. Tu te balades dans un monde où chaque PNJ a un nom, un métier, une routine, une histoire. Enfin, c'est complètement délirant, hein, je veux dire. C'est vraiment incroyable, ce truc. Et ils ont fait ça à deux, c'est incroyable. Ils ont fait ça à deux, mais pendant 16 ans quand même. Oui, bien sûr, mais à deux, mais pendant 16 ans. Ok, excellent, merci beaucoup Guillaume pour cette revue, je ne connaissais pas du tout. C'est très chouette que tu nous ouvres et que tu m'ouvres moi du coup à ces sujets-là. Merci beaucoup pour la préparation de cet épisode, Guillaume. Merci beaucoup à vous qui nous écoutez semaine après semaine. On compte sur vous pour aller envisager un soutien sur Patreon, même ponctuellement, même pour une durée limitée. C'est évidemment hyper précieux pour nous de savoir que vous nous encouragez, et puis c'est super précieux de toute façon de se savoir écouter, de se savoir évaluer sur Apple Podcast, sur Podcast Addict, et de se savoir commenter sur techcafé.fr dans les commentaires qui accompagnent les articles lors de la parution des épisodes. Je vous propose tout simplement qu'on vous dise où est-ce qu'on peut nous retrouver à titre individuel. Et c'est peut-être très simple de retrouver Guillaume Pogjaspala. Dis-nous tout simplement où est-ce qu'on peut te retrouver. Mais bien sûr, retrouvez-moi sur belinda.parmar@bbc.co.uk. Oh la vache, d'accord, c'est quoi ça? Pardon. Bah Belinda, mais c'est moi Belinda, tu te souviens pas? Pardon. Merci. Merci beaucoup, Guillaume. Moi, ce sera plus simple, c'est sur guillaumevendée.fr. Vous me retrouvez aussi dans ReLife, l'amélioration du quotidien et le développement personnel avec Matt et Julien Deray. Et puis, dans Contrôle parental, de temps en temps, au niveau de l'exploration de la vie de parents. Merci beaucoup pour votre fidélité. On se dit rendez-vous dans quelques jours pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Et oui, ciao à tous. Voilà, j'ai les yeux bleus et le front blond. C'est ça, non ? La chanson, tu veux faire ? Bon, non, c'est allez. Quoi ? Elle a les yeux bleus, Belinda, c'est ça ? Ben oui, mais c'est Claude François. Oh putain, non, je ne l'avais pas du tout. Bon, on coupe.